Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, en cas de succession, qui choisit le notaire ? Vous venez d'apprendre le décès d'un parent, de votre conjoint ou d'un autre membre de votre famille, ou bien encore vous êtes héritier, vous demandez quelles sont les premières démarches à effectuer. Alors le choix de l'officiel du notaire, aussi important soit-il, n'est pas toujours facile à faire. Ainsi, en cas de différend, la présence ou non d'un conjoint survivant sera déterminante pour savoir quel notaire est chargé de régler la succession. Alors, quel est le rôle du notaire déjà dans le règlement d'une succession ? Le notaire est bien sûr un acteur majeur dans le règlement de cette succession puisqu'il récolte tous les documents administratifs liés à cette succession et rédige par la suite les actes de notoriété, les attestations de propriété ou bien encore la déclaration de succession. Le notaire a également pour mission de réaliser un inventaire successoral qui consiste à mettre en place une liste détaillant tous les actifs du défunt, l'actif successoral, ainsi que toutes les dettes accumulées et non réglées par le défunt, le passif successoral. Il procède ainsi à l'évaluation du patrimoine du défunt en fonction de ces deux éléments comptables. Alors, le notaire est également, bien entendu, tenu d'un devoir de conseil vis-à-vis du conjoint survivant et des autres héritiers. En cas de manquement, sa responsabilité peut d'ailleurs être engagée. Alors, quel notaire en présence d'un conjoint survivant ? Dans le cadre d'une succession, s'il existe en effet un conjoint survivant, c'est lui qui est prioritaire sur le choix du notaire. Le notaire choisi par le conjoint survivant peut être le notaire qui a déjà pris en charge le patrimoine du couple du vivant du défunt. Il a pu par exemple effectuer les ventes ou achats immobiliers du couple, une donation entre époux ou encore procéder à la rédaction de donations anticipées au profit des enfants. C'est pour cela que le conjoint survivant détient ce droit de choisir le notaire de la succession. Il est conseillé, si une bonne relation préexistante est maintenue entre le notaire et le conjoint survivant, de recourir à ce dernier pour régler la succession. Ce notaire est en effet en meilleure position de connaître l'actif et le passif du patrimoine du défunt, ce qui facilitera le règlement de la succession. Si le notaire désigné par le conjoint survivant est chargé d'établir les actes de la succession, il n'en demeure pas moins que les enfants ont la possibilité de prendre leur propre notaire pour les représenter. À savoir qu'en droit français, le conjoint survivant pourra opter pour recevoir soit l'intégralité du patrimoine du défunt en usufruit, en l'utilisant, ou alors obtenir le quart du patrimoine en pleine propriété. Et là revient encore le devoir de conseil, bien entendu, du notaire auprès du conjoint survivant. Alors, quel notaire en l'absence de conjoint survivant ? S'il n'existe donc aucun conjoint survivant au moment de l'ouverture de la succession, le notaire sera désigné par le plus grand nombre d'héritiers ou ceux ayant les droits les plus importants dans la succession. Ce choix peut s'avérer compliqué si les enfants, par exemple, n'habitent pas dans la même ville ou si certains sont situés à l'étranger. Et l'hypothèse n'est pas rare. Dans le cas où les enfants résident loin de l'étude du notaire choisi par leurs parents au cours de leur vie pour s'organiser des opérations liées à leur patrimoine, ils peuvent alors décider de changer de notaire. Les enfants peuvent donc s'entendre et désigner un autre notaire. Toutefois, il arrive qu'un héritier choisisse son propre notaire parce qu'il a déjà une relation lui-même préexistante avec celui-ci. Cela signifie que chaque héritier a le droit d'avoir son propre notaire. Cependant, un seul notaire désigné par les enfants ou à défaut les autres héritiers devra diriger la succession et rédiger les actes. Ainsi, lorsqu'un héritier choisit de se faire accompagner par un autre notaire, ce dernier aura seulement un rôle de conseil tout au long du règlement de la succession. Alors, quelle solution est à envisager en cas de litige entre les héritiers sur le choix du notaire ? Il arrive que les héritiers ne s'entendent pas du tout sur le choix du notaire, ce qui peut mener à un litige entre eux et bloquer la succession. Le règlement national des notaires dispose alors d'une préférence qui est établie de la manière suivante. Le premier sera le notaire choisi par les héritiers réservataires, ceux qui reçoivent obligatoirement une part de l'héritage du défunt. Le deuxième sera le notaire choisi par les légataires universels. Un légataire universel est un héritier auquel le rédacteur d'un testament a conféré la propriété de l'ensemble de ses biens. Et enfin, le troisième, dans l'ordre de préférence, est le notaire choisi par les héritiers dits non réservataires. Enfin, en cas d'égalité de rang, le notaire représentant le plus fort intérêt pécuniaire sera celui désigné pour régler la succession.